Putain, mais mec, elle me respecte, ce type-là. Spectrus. Siri. Espèce de spectre. Le monde des spectres. Ça, c'est la musique de monde des spectres, cette vidéo. Thank you. Thank you. Vas-y. Ah, c'est bien, mec. Que j'essaie de te suivre, mec. Après, je vais dormir. Thank you.